Marco Boss, Golly God. Golly God. Steven. No evil. Hey. I am pas qu'un fait pour rien. God no. Hey. Il t'a vu, il faut pas qu'on moyen. Yeah. God no. Hey. On n'est pas par la force pour y faire. Un homme qui parle nous fonctionne. Une moi cela, une piscine. J'ai mal à nous prendre pas ni rigueur. L'eau pas comme on fait bon. Le seul diable à parader. L'eau pas comme on fait en parader. Vous l'avez nous sagadé. Sirène qui a chanté mais faut pas en garder. Yeah. Chaque soir, ni 2 millions qui a pendant. Mon Dieu, comme un malin. Never stop fight from your born in a struggle. Born in a struggle. Never born with a gold spoon, but me hustle hard with the shovel. Hustle hard every day. What the fuck you can tell me about my life? It ain't easy. Watch. From nothing to something, me no need you to believe me. Real talk. First thing me need God, me no need nobody. Listen this. Work hard, sacrifice, and me kids them need them daddy. People too evil. Le seul diable a parade. Yo, pas qu'à rentrer en parade. Vous l'avez nous sangadé. Sirène qu'à chanter mais faut pas en garder. Chaque soir, ni 2 millions qu'à prendre. Bon Dieu, qu'à pas mal en main. Encore toi, va y pas evil. Bon Dieu, qu'en idole. Et puis sans qui Steven Seagal. David, me name, ça m'est spiritual. Me and the devil couldn't equal. On était free de l'effort devant la mort. Yeah. On va briller more and more. What I know? Jammy king. King, king, king. Thunder and lightning. Nous pas qu'à pas de guerre. Pas trouble. For a time for my people. Jano, I saw you go. Jano, I saw you go. Holy God. Le seul diable a parade. Yeah. Nous pas qu'à rentrer en parade. Hey. Vous l'avez nous sagadé. Sirène qu'a chanté mais faut pas en garder. Chaque soir du début en cap en nom. Mon Dieu qu'a pas mal en main. Mais c'est diable là. Mais c'est diable là parade. Pas qu'à rentrer en parade. Vous l'avez nous sagadé. Sirène qu'a chanté mais faut pas en garder. Chaque soir du début en cap en nom. Thank you, God. You are my everything. Golly God. Hey. Même dans souffrance, pas qu'à la gelée, mais on va voir. Never. La vie est intense. C'est garder la foi, tu es en tout sens.